bien cette émission. Nous venons de prendre possession des secteurs clés de la nation. Nos troupes ont pris position aux quatre coins du territoire. Aux quatre coins du territoire. Nous contrôlons la situation. Maintenant nous écrivons l'histoire. Nous écrivons l'histoire. Un coup d'état, un coup d'éclat. Toujours et encore le même résultat. Des milliers de chars, de soldats, des généraux en tenue d'apparat. Nous contrôlons l'information, nous avons listé nos positions. Il n'y aura pas de révolution, rejoignez la collaboration. Confiant dans les gardiens de l'ordre, rempart de la civilisation. De la civilisation. La bête maintenant ne peut plus vous mordre. Elle succombe sous la répression. Sous la répression. Un coup d'état, un coup d'éclat. Des milliers de chars, de soldats, des généraux en tenue d'apparat. Écoutez bien cette émission. Nous venons de prendre possession des secteurs clés de la nation. Nos troupes ont pris position aux quatre coins du territoire. Aux quatre coins du territoire. Nous contrôlons la situation. Maintenant nous écrivons l'histoire. Nous écrivons l'histoire. Un coup d'état, un coup d'éclat. Toujours et encore le même résultat. Des milliers de chars et de soldats, des généraux en tenue d'apparat.